Chapitre 7. Une leçon de musique. Je m'étais fait des amis dans la mine. De pareilles angoisses supportées en commun unissent les cœurs. On souffre, on espère ensemble, on ne fait qu'un. L'oncle Gaspard, ainsi que le magistère particulièrement, m'avaient pris en grande affection. Et bien que l'ingénieur n'eût point partagé notre emprisonnement, il s'était attaché à moi comme à un enfant qu'on a arraché à la mort. Il m'avait invité chez lui, et pour sa fille, j'avais dû faire le récit de tout ce qui nous était arrivé pendant notre long ensevelissement dans la remontée. Tout le monde voulait me garder à Vars. « Je te trouverai un piqueur, » me disait l'oncle Gaspard, « et nous ne nous quitterons plus. » « Si tu veux un emploi dans les bureaux, » me disait l'ingénieur, « je t'en donnerai un. » L'oncle Gaspard trouvait tout naturel que je retournasse dans la mine, où il allait bientôt redescendre lui-même avec l'insouciance de ceux qui sont habitués à braver chaque jour le danger. Mais moi qui n'avais pas son insouciance ou son courage, je n'étais nullement disposé à reprendre le métier de rouleur. C'était très beau, une mine, très curieux. J'étais heureux d'en avoir vu une, mais je l'avais assez vue, et je ne me sentais pas la moindre envie de retourner dans une remontée. À cette pensée seule, j'étouffais. Je n'étais décidément pas fait pour le travail sous terre. La vie en plein air, avec le ciel sur la tête, même un ciel neigeux, me convenait mieux. Ce fut ce que j'expliquai à l'oncle Gaspard et au magistère, qui furent celui-ci surpris, celui-là peiné de mes mauvaises dispositions à l'égard du travail des mines. Carori, que je rencontrai, me dit que j'étais un capon. Avec l'ingénieur, je ne pouvais pas répondre que je ne voulais plus travailler sous terre, puisqu'il m'offrait de m'employer dans ses bureaux et de m'instruire si je voulais être attentif à ses leçons. J'aimais mieux lui raconter la vérité entière, ce que je fis. « Et puis tu aimes la vie en plein air, » dit-il, « l'aventure et la liberté. Je n'ai pas le droit de te contrarier, mon garçon. Suis ton chemin. » Cela était vrai que j'aimais la vie en plein air. Je ne l'avais jamais mieux senti que pendant mon emprisonnement dans la remontée. Ce n'est pas impunément qu'on s'habitue à aller où l'on veut, à faire ce que l'on veut, à être son maître. Pendant qu'on essayait de me retenir à Vars, Mathia avait paru sombre et préoccupé. Je l'avais questionné. Il m'avait toujours répondu qu'il était comme à son ordinaire, et ce ne fut que quand je lui dis que nous partirions dans 3 jours qu'il m'avoua la cause de cette tristesse en me sautant au cou. « Alors tu ne m'abandonneras pas ? » s'écria-t-il. Sur ce mot, je lui allongeai une bonne bourrade pour lui apprendre à douter de moi, et aussi un peu pour cacher l'émotion qui m'avait étreint le cœur en entendant ce cri d'amitié. Car c'était l'amitié seule qui avait provoqué ce cri, et non l'intérêt. Mathia n'avait pas besoin de moi pour gagner sa vie, il était parfaitement capable de la gagner tout seul. À vrai dire même, il avait pour cela des qualités natives que je ne possédais pas au même degré que lui, il s'en fallait de beaucoup. D'abord, il était bien plus apte que moi à jouer de tous les instruments, à chanter, à danser, à remplir tous les rôles. Et puis il savait encore bien mieux que moi engager l'honorable société, comme disait Vitalis, à mettre la main à la poche. Rien que par son sourire, ses yeux doux, ses dents blanches, son air ouvert, il touchait les cœurs les moins sensibles à la générosité. Et sans rien demander, il inspirait aux gens l'envie de donner. On avait plaisir à lui faire plaisir. Cela était si vrai que pendant sa courte expédition avec Capi, tandis que je me faisais rouleur, il avait trouvé le moyen d'amasser 18 francs, ce qui était une somme considérable. 128 francs que nous avions en caisse et 18 francs gagnés par Mathia, cela faisait un total de 146 francs. Il ne manquait donc plus que 4 francs pour acheter la vache du prince. Bien que je ne voulusse pas travailler aux mines, ce ne fut pas sans chagrin que je quittai Vars, car il fallut me séparer d'Alexis, de l'oncle Gaspard et du magistère. Mais c'était ma destinée de me séparer de ceux que j'aimais et qui me témoignait de l'affection. En avant. La harpe sur l'épaule et le sac au dos, nous voilà de nouveau sur les grands chemins, avec Capi, joyeux, qui se roule dans la poussière. J'avoue que ce ne fut pas sans un sentiment de satisfaction lorsque nous fûmes sortis de Vars

Mathia, qui jusqu'alors avait très peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans la théorie de la musique de Kuhn. Malheureusement, je ne pus pas le faire travailler autant que je l'aurais voulu et qu'il le désirait lui-même, car nous étions obligés de marcher du matin au soir, faisant de longues étapes pour traverser au plus vite ces pays de la Lozère et de l'Auvergne qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n'est pas disposé à mettre la main à la poche. Il écoute avec un air placide tant qu'on veut bien jouer. Mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s'en va ou il ferme sa porte. Enfin, par Saint-Flour et Issoir, nous arrivâmes au village d'Eau qui était le but de notre expédition. Et il se trouva par bonheur que les renseignements du montreur d'ours étaient vrais. À la Bourboule, au Mont d'Or surtout, nous fîmes de belles recettes. Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mathia que nous les dûmes, à son adresse, à son tact. Pour moi, quand je voyais des gens assemblés, je prenais ma harpe et je me mettais à jouer de mon mieux, il est vrai, mais avec une certaine indifférence. Mathia ne procédait pas de cette façon primitive. Quant à lui, il ne suffisait pas que des gens fussent rassemblés pour qu'il se mît tout de suite à jouer. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public, et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s'il jouerait ou s'il ne jouerait pas, et surtout ce qu'il devait jouer. À l'école de Garofoli, qui exploitait en grand la charité publique, il avait appris dans toutes ses finesses l'art si difficile de forcer la générosité ou la sympathie des gens. Et la première fois que je l'avais rencontré dans son grenier de la rue de l'Oursine, il m'avait bien étonné en m'expliquant les raisons pour lesquelles les passants se décident à mettre la main à la poche. Mais il m'étonna bien plus encore quand je le vis à l'œuvre. Ce fut dans les villes d'eau qu'il déploya toute son adresse, et pour le public parisien, son ancien public, qu'il avait appris à connaître et qu'il retrouvait là. « Attention, me disait-il, quand nous voyons venir à nous une jeune dame en deuil dans les allées du Capucin. C'est du triste qu'il faut jouer. Tâchons de l'attendrir et de la faire penser à celui qu'elle a perdu. Si elle pleure, notre fortune est faite. » Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis que c'était à fendre le cœur. Il y a dans les promenades aux environs du Mont d'Or des endroits qu'on appelle des salons. Ce sont des groupes d'arbres, des quinconces sous l'ombrage desquels les baigneurs vont passer quelques heures en plein air. Mathia étudiait le public de ces salons. Et c'était d'après ces observations que nous arrangions notre répertoire. Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, pâle, les yeux vitreux, les joues caves, nous nous gardions bien d'aller nous camper brutalement devant lui pour l'arracher à ses tristes pensées. Nous nous mettions à jouer loin de lui, comme si nous jouions pour nous seuls, en nous appliquant consciencieusement. Du coin de l'œil, nous l'observions. S'il nous regardait avec colère, nous nous en allions. S'il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions, et Capi pouvait présenter hardiment sa sébile. Il n'avait pas à craindre d'être renvoyé à coups de pied. Mais c'était surtout près des enfants que Mathia obtenait ses succès les plus fructueux. Avec son archet, il leur donnait des jambes pour danser, et avec son sourire, il les faisait rire, même quand ils étaient de mauvaise humeur. Comment s'y prenait-il? Je n'en sais rien. Mais les choses étaient ainsi. Il plaisait, on l'aimait. Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux. Toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné 68 francs. 68 francs et 146 que nous avions en caisse, cela faisait 214 francs. L'heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon, en passant par Ussel, où nous avait-on dit devait se tenir une foire importante pour les bestiaux. Une foire, c'était notre affaire. Nous allions pouvoir acheter, enfin, cette fameuse vache dont nous parlions si souvent et pour laquelle nous avions fait de si rudes économies. Jusqu'à ce moment, nous n'avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait. Notre vache serait blanche, c'était le souhait de Mathia. Elle serait rousse, c'était le mien, en souvenir de notre pauvre roussette. Elle serait douce, elle aurait plusieurs seaux de lait. Tout cela était superbe et charmant. Mais maintenant, il fallait de la rêverie passer à l'exécution, et c'était là que l'embarras commençait. Comment choisir notre vache avec la certitude qu'elle aurait réellement toutes les qualités dont nous nous plaisions à la parer? Cela était grave. Quelle responsabilité! Je ne savais pas à quel signe on reconnaît une bonne vache, et Mathias était aussi ignorant que moi. Ce qui redoublait notre inquiétude, c'étaient les histoires étonnantes dont nous avions entendu le récit dans les auberges, depuis que nous nous étions mis en tête la belle idée d'acheter une vache. Qui dit maquignon de chevaux ou de vaches, dit artisan de ruse et de tromperie. Combien de ces histoires nous étaient restées dans la mémoire pour nous effrayer? Un paysan achète à la foire une vache qui a la plus belle queue que jamais vache ait eue. Avec une pareille queue, elle pourra s'émoucher jusqu'au bout du nez. Ce qui, tout le monde le sait, est un grand avantage. Il rentre chez lui triomphant, car il n'a pas payé cher cette vache extraordinaire. Le lendemain matin, il va la voir. Elle n'a plus de queue du tout. Celle qui pendait derrière elle, si noblement, avait été collée à un moignon. C'était un chignon, une queue postiche. Un autre en achète une qui a des cornes fausses. Un autre, quand il veut traire sa vache, s'aperçoit qu'elle a eu la mamelle soufflée et qu'elle ne donnera pas 2 verres de lait en 24 heures. Il ne faut pas que pareille mésaventure nous arrive. Pour la fausse queue, Mathias ne craint rien. Il se suspendra de tout son poids à la queue de toutes les vaches dont nous aurons envie, et il tirera si fort sur ses queues que si elles sont collées, elles se détacheront. Pour les mamelles soufflées, il y a aussi un moyen tout aussi sûr, qui est de les piquer avec une grosse et longue épingle. Sans doute cela serait infaillible, surtout si la queue était fausse et si la mamelle était soufflée. Mais si sa queue était vraie, ne serait-il pas à craindre qu'elle envoyât un beau coup de pied dans le ventre ou dans la tête de celui qui tirerait dessus? Et n'agirait-elle pas encore de même sous une piqûre s'enfonçant dans sa chair? L'idée de recevoir un coup de pied calme l'imagination de Mathias, et nous restons livrés à nos incertitudes. Ce serait vraiment terrible d'offrir à Mère Barberin une vache qui ne donnerait pas de lait ou qui n'aurait pas de cornes. Dans les histoires qui nous avaient été contées, il y en avait une dans laquelle un vétérinaire jouait un rôle terrible, au moins à l'égard du marchand de vaches. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense, mais combien elle nous rassurerait? Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, qui sous tous les rapports paraissait le plus sage, et nous continuâmes alors gaiement notre route. La distance n'est pas longue du Mont d'Or à Ussel. Nous mîmes 2 jours à faire la route. Encore arrivâmes-nous de bonne heure à Ussel. J'étais là dans mon pays, pour ainsi dire. C'était à Ussel que j'avais paru pour la première fois en public dans les domestiques de M. Jolicoeur, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Et c'était à Ussel aussi que Vitalis m'avait acheté ma première paire de souliers, ces souliers à clous qui m'avaient rendu si heureux. Pauvre Jolicoeur, il n'était plus là avec son bel habit rouge de général anglais, et Zerbino avec la gentille Dolce manquait aussi. Pauvre Vitalis, je l'avais perdu et je ne le reverrai plus, marchant la tête haute, la poitrine cambrée, marquant le pas des 2 bras et des 2 pieds, en jouant une valse sur son fifre persan. Sur 6 que nous étions alors, 2 seulement restaient debout, Capi et moi. Cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique. Malgré moi, je m'imaginais que j'allais apercevoir le feutre de Vitalis au coin de chaque rue, et que j'allais entendre l'appel qui tant de fois avait retenti à mes oreilles. « En avant !» La boutique du fripier où Vitalis m'avait conduit pour m'habiller en artiste vint heureusement chasser ses tristes pensées. Je la retrouvai telle que je l'avais vue lorsque j'avais descendu ces 3 marches glissantes. À la porte se balançait le même habit, galonné sur les coutures, qui m'avait ravi d'admiration. Et dans la montre, je retrouvai les mêmes vieux fusils avec les mêmes vieilles lampes. Je voulus aussi montrer la place où j'avais débuté, en jouant le rôle du domestique de M. Jolicoeur, c'est-à-dire le plus bête des deux. Capi se reconnut et frétilla de la queue. Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l'auberge où j'avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d'un vétérinaire. Quand celui-ci eut entendu notre demande, il commença par nous rire au nez. « Mais il n'y a pas de vaches savantes dans le pays, » dit-il. Ce n'est pas une vache qui sache faire des tours qu'il nous faut, c'en est une qui donne du bon lait. » Et qui est une vraie queue, ajouta Mathia, que l'idée d'une queue collée tourmentait beaucoup. Enfin, monsieur le vétérinaire, nous venons vous demander de nous aider de votre science pour nous empêcher d'être volés par les marchands de vaches. Je dis cela en tâchant d'imiter les airs nobles que Vitalis prenait si bien lorsqu'il voulait faire la conquête des gens. Et pourquoi diable voulez-vous une vache ? Demanda le vétérinaire. En quelques mots, j'expliquai ce que je voulais faire de cette vache. Vous êtes de bons garçons, dit-il. Je vous accompagnerai demain matin sur le champ de foire et je vous promets que la vache que je vous choisirai n'aura pas une queue postiche. Ni des cornes fausses, dit Mathia. Ni des cornes fausses. Ni la mamelle soufflée. Ce sera une belle et bonne vache. Mais pour acheter, il faut être en état de payer. Sans répondre, je dénouai un mouchoir dans lequel était enfermé notre trésor. C'est parfait. Venez me prendre demain matin à 7 heures. Et combien vous devrons-nous, monsieur le vétérinaire ? Rien du tout. Est-ce que je veux prendre de l'argent de bons enfants comme vous ? Je ne savais comment remercier ce brave homme, mais Mathia eut une idée. « Monsieur, est-ce que vous aimez la musique ? » demanda-t-il. « Beaucoup, mon garçon. Et vous vous couchez de bonne heure ?» Cela était assez incohérent. Cependant, le vétérinaire voulut bien répondre. « Quand 9 heures sonne. »« Merci, monsieur. À demain matin, 7 heures. » J'avais compris l'idée de Mathia. « Tu veux donner un concert au vétérinaire ? » dis-je. « Justement, une sérénade quand il va se coucher. Ça se fait pour ceux qu'on aime. »« Tu as eu là une bonne idée. Rentrons à l'auberge et travaillons les morceaux de notre concert. On peut ne pas se gêner avec le public qui paye, mais quand on paye soi-même, il faut faire de son mieux. » À 9 heures moins 2 ou 3 minutes, nous étions devant la maison du vétérinaire, Mathia avec son violon, moi avec ma harpe. La rue était sombre. Car la lune devant se lever vers 9 heures, on avait jugé bon de ne pas allumer les réverbères. Les boutiques étaient déjà fermées et les passants étaient rares. Au premier coup de 9 heures, nous partîmes en mesure. Et dans cette rue étroite, silencieuse, nos instruments résonnèrent comme dans la salle la plus sonore. Les fenêtres s'ouvrirent et nous vîmes apparaître des têtes encapuchonnées de bonnets, de mouchoirs et de foulards. D'une fenêtre à l'autre, on s'interpellait avec surprise. Notre ami le vétérinaire demeurait dans une maison qui, à l'un de ses angles, avait une gracieuse tourelle. Une des fenêtres de cette tourelle s'ouvrit et il se pencha pour voir qui jouait ainsi. Sans doute il nous reconnut et il comprit notre intention, car de sa main il nous fit signe de nous taire. « Je vais vous ouvrir la porte, dit-il, vous jouerez dans le jardin. » Et presque aussitôt cette porte nous fut ouverte. « Vous êtes de braves garçons, dit-il, en nous donnant à chacun une bonne poignée de main. Mais vous êtes aussi des étourdis. Vous n'avez donc point pensé que le sergent de ville pouvait vous arrêter pour tapage nocturne sur la voie publique ? » Notre concert recommença dans le jardin qui n'était pas bien grand, mais très coquet, avec un berceau couvert de plantes grimpantes. Comme le vétérinaire était marié et qu'il avait plusieurs enfants, nous eûmes bientôt un public autour de nous. On alluma des chandelles sous le berceau, et nous jouâmes jusqu'après 10 heures. Quand un morceau était fini, on nous applaudissait et on nous en demandait un autre. Si le vétérinaire ne nous avait pas mis à la porte, je crois bien que sur la demande des enfants, nous aurions joué une bonne partie de la nuit. « Laissez-les aller au lit, dit-il. Il faut qu'ils soient ici demain matin à 7 heures. » Mais il ne nous laissa pas aller sans nous offrir une collation qui nous fut très agréable. Alors, pour remerciement, Capi joua quelques-uns de ses tours les plus drôles, ce qui fit la joie des enfants. Il était près de minuit quand nous partîmes. La ville du sel, si tranquille le soir, était le lendemain matin pleine de tapage et de mouvement. Avant le lever du jour, nous avions entendu dans notre chambre un bruit incessant de charrettes roulant sur le pavé et se mêlant au hennissement des chevaux, au meuglement des vaches, au bêlement des moutons, aux cris des paysans qui arrivaient pour la foire. Quand nous descendîmes, la cour de notre auberge était déjà encombrée de charrettes enchevêtrées les unes dans les autres. Et des voitures qui arrivaient descendaient des paysans endimanchés qui prenaient leurs femmes dans leurs bras pour les mettre à terre. alors tout le monde se secouait. Les femmes défripaient leurs jupes. Dans la rue, tout un flot mouvant se dirigeait vers le champ de foi. Comme il n'était encore que 6 heures, nous eûmes envie d'aller passer en revue les vaches qui étaient déjà arrivées et de faire notre choix à l'avance. Ah, les belles vaches! Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Les unes grasses, les autres maigres, celles-ci avec leurs veaux, celles-là traînant à terre leurs mamelles pleines de lait. Sur le champ de foire se trouvaient aussi des chevaux qui hennissaient, des juments qui léchaient leurs poulains, des porcs gras qui se creusaient des trous dans la terre, des cochons de lait qui hurlaient comme si on les écorchait vifs, des moutons, des poules, des oies. Mais que nous importait? Nous n'avions Dieu que pour les vaches qui subissaient notre examen en clignant les paupières et en remuant lentement la mâchoire, ruminant placidement leur repas de la nuit, sans se douter qu'elles ne mangeraient plus l'herbe des pâturages où elles avaient été élevées. Après une demi-heure de promenade, nous en avions trouvé 17 qui nous convenaient tout à fait. Celles-ci pour telle qualité, celles-là pour telle autre. 3 parce qu'elles étaient rousses, 2 parce qu'elles étaient blanches. Ce qui, bien entendu, souleva une discussion entre Mathia et moi. À 7 heures, nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait, et nous revînmes avec lui au champ de foire, en lui expliquant de nouveau quelle qualité nous exigions dans la vache que nous allions acheter. Elle se résumait en 2 mots. Donner beaucoup de lait et manger peu. « En voici une qui doit être bonne, » dit Mathia, en désignant une vache blanchâtre. « Je crois que celle-là est meilleure, » dis-je, en montrant une rousse. Le vétérinaire nous mit d'accord, en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une 3e. C'était une petite vache aux jambes grêles, rouge de poils, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. « Voilà une vache du Rouergue qui est justement ce qu'il vous faut, » dit-il. Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe. Ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache. « 300 francs. » Déjà cette petite vache, alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête. Les bras nous tombèrent du corps. « 300 francs? Ce n'était pas du tout notre affaire. » Je fis un signe au vétérinaire pour lui dire que nous devions passer à une autre. Il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. Alors une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit 150 francs. Le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170. Le paysan descendit à 280. Mais arrivé à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi, ce qui nous avait donné bonne espérance. Au lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail. Elle avait les jambes faibles, le cou trop court, les cornes trop longues. Elle manquait de poumons. La mamelle n'était pas bien conformée. Le paysan répondit que puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour 250 francs, afin qu'elle fût en de bonnes mains. Là-dessus, la peur nous prit, nous imaginant tous deux que c'était une mauvaise vache. « Allons en voir d'autres, » dis-je. Sur ce mot, le paysan, faisant un effort, diminua de nouveau 10 francs. Enfin, de diminution en diminution, il arriva à 210 francs, mais il y resta. D'un coup de coude, le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que la vache, loin d'être mauvaise, était excellente. Mais 210 francs, c'était une grosse somme pour nous. Pendant ce temps, Mathia, tournant par derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue. Et la vache lui avait détaché un coup de pied. Cela me décida. « Va pour 210 francs, » dis-je, croyant tout fini. Et j'étendis la main pour prendre la longe, mais le paysan ne me la céda pas. « Et les épingles de la bourgeoise, » dit-il. Une nouvelle discussion s'engagea, et finalement nous tombâmes d'accord sur 20 sous d'épingles. Il nous restait donc 3 francs. De nouveau j'avançai la main. Le paysan me la prit, et me la serra fortement en ami. Justement parce que j'étais un ami, je n'oublierai pas le vin de la fille. Le vin de la fille nous coûta 10 sous. Pour la 3e fois, je voulus prendre la longe, mais mon ami le paysan m'arrêta. « Vous avez apporté un licou ?» me dit-il. « Je vends la vache, mais je ne vends pas son licou. » Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour 30 sous, ce qui n'était pas cher. Il nous fallait un licou pour conduire notre vache. J'abandonnais les 30 sous, calculant qu'il nous en resterait encore 20. Je comptai donc les 213 francs, et pour la 4e fois j'étendis la main. « Où donc est votre longe ?» demanda le paysan. « Je vous ai vendu le licou, je ne vous ai pas vendu la longe. » La longe nous coûta 20 sous, nos derniers 20 sous. Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou, pas un seul pour la nourrir et nous nourrir nous-mêmes. « Nous allons travailler, » dit Mathia. « Les cafés sont pleins de monde. En nous divisant, nous pourrons jouer dans tous. Nous aurons une bonne recette ce soir. » Et après avoir conduit notre vache dans l'écurie de notre auberge, où nous l'attachâmes avec plusieurs nœuds, nous nous mîmes à travailler chacun de notre côté. Et le soir, quand nous fîmes le compte de notre recette, je trouvai que celle de Mathia était de 4 francs 50 centimes et la mienne de 3 francs. Avec 7 francs 50 centimes, nous étions riches. Mais la joie d'avoir gagné ces 7 francs 50 était bien petite comparée à la joie que nous éprouvions d'en avoir dépensé 214. Nous décidâmes la fille de cuisine à traire notre vache et nous soupâmes avec son lait. Jamais nous n'en avions bu d'aussi bon. Mathia déclara qu'il était sucré et qu'il sentait la fleur d'oranger, comme celui qu'il avait bu à l'hôpital, mais bien meilleur. Et dans notre enthousiasme, nous allâmes embrasser notre vache sur son mufle noir. Sans doute elle fut sensible à cette caresse, car elle nous lécha la figure de sa langue rude. « Tu sais qu'elle embrasse ?» s'écria Mathia, ravi. Pour comprendre le bonheur que nous éprouvions à embrasser notre vache, à être embrassés par elle, il faut se rappeler que ni Mathia ni moi, nous n'étions gâtés par les embrassades. Notre sort n'était pas celui des enfants choyés, qui ont à se défendre contre les caresses de leur mère. Et tous deux, cependant, nous aurions bien aimé à nous faire caresser. Le lendemain matin, nous étions levés avec le soleil, et tout de suite nous nous mettions en route pour Chavanon. Comme j'étais reconnaissant à Mathia du concours qu'il m'avait prêté, car sans lui je n'aurais jamais amassé cette grosse somme de 214 francs, j'avais voulu lui donner le plaisir de conduire notre vache, et il n'avait pas été médiocrement heureux de la tirer par la longe, tandis que je marchais derrière elle. Ce fut seulement quand nous fûmes sortis de la ville que je vins prendre place à côté de lui, pour causer comme à l'ordinaire, et surtout pour regarder ma vache. Jamais je n'en avais vu une aussi belle. Et de vrai, elle avait fort bon air, marchant lentement, se balançant, en se prélassant comme une bête qui a conscience de sa valeur. Maintenant, je n'avais plus besoin de regarder ma carte à chaque instant, comme je le faisais depuis notre départ de Paris. Je savais où j'allais, et bien que plusieurs années se fussent écoulées, depuis que j'avais passé là, avec Vitalis, je retrouvais tous les accidents de la route. Mon intention, pour ne pas fatiguer notre vache, et aussi pour ne pas arriver trop tard à Chavanon, était d'aller coucher dans le village où j'avais passé ma première nuit de voyage avec Vitalis, dans celui de Fougère, où le bon Capi, voyant mon chagrin, était venu s'allonger près de moi et avait mis sa patte dans ma main pour me dire qu'il serait mon ami. De là, nous partirions le lendemain matin pour arriver de bonne heure chez Mère Barberin. Mais le sort, qui jusque-là nous avait été si favorable, se mit contre nous et changea nos dispositions. Nous avions décidé de partager notre journée de marche en deux parts et de la couper par notre déjeuner, surtout par le déjeuner de notre vache qui consisterait en herbe défaussée de la route qu'elle paîtrait. Vers 10 heures, ayant trouvé un endroit où l'herbe était verte et épaisse, nous mîmes les sacs à bas et nous fîmes descendre notre vache dans le fossé. Tout d'abord, je voulus la tenir par la longe, mais elle se montra si tranquille et surtout si appliquée à paître que bientôt je lui entortillai la longe autour des cornes et m'assis près d'elle pour manger mon pain. Naturellement, nous eûmes fini de manger bien avant elle. Alors, après l'avoir admirée pendant assez longtemps, ne sachant plus que faire, nous nous mîmes à jouer aux billes, Mathia et moi, car il ne faut pas croire que nous étions de petits bonhommes graves et sérieux, ne pensant qu'à gagner de l'argent. Si nous menions une vie qui n'est point ordinairement celle des enfants de notre âge, nous n'en avions pas moins les goûts et les idées de notre jeunesse, c'est-à-dire que nous aimions à jouer au jeu des enfants et que nous ne laissions point passer une journée sans faire une partie de billes, de balles ou de sauts de moutons. Tout à coup, sans raison, bien souvent, Mathia me disait « Jouons-nous » Alors, en un tour de main, nous nous débarrassions de nos sacs, de nos instruments, et sur la route, nous nous mettions à jouer. Et plus d'une fois, si je n'avais pas eu ma montre pour me rappeler l'heure, nous aurions joué jusqu'à la nuit. Mais elle me disait que j'étais chef de troupe, qu'il fallait travailler, gagner de l'argent pour vivre. Et alors je repassais sur mon épaule endolorie la bretelle de ma harpe. En avant. Nous eûmes fini de jouer avant que la vache eût fini de paître. Et quand elle nous vit venir à elle, elle se mit à tondre l'herbe à grands coups de langue, comme pour nous dire qu'elle avait encore faim. « Attendons un peu, » dit Mathia. « Tu ne sais donc pas qu'une vache mange toute la journée ?»« Un tout petit peu. » Tout en attendant, nous reprîmes nos sacs et nos instruments. « Si je lui jouais un petit air de cornet à piston, » dit Mathia qui restait difficilement en repos. « Nous avions une vache dans le cirque Gasso. Elle aimait la musique. » Et sans en demander davantage, Mathia se mit à jouer une fanfare de parade. Aux premières notes, notre vache leva la tête. Puis tout à coup, avant que j'eusse pu me jeter à ses cornes pour prendre sa longe, elle partit au galop. Et aussitôt nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en l'appelant. Je criai à Capi de l'arrêter, mais on ne peut pas avoir tous les talents. Un chien de conducteur de bestiaux eût sauté au nez de notre vache. Capi, qui était un savant, lui sauta aux jambes. Bien entendu, cela ne l'arrêta pas, tout au contraire, et nous continuâmes notre course, elle en avant, nous en arrière. Tout en courant, j'appelais Mathia « stupide bête », et lui, sans s'arrêter, me criait d'une voix haletante « Tu cogneras, je l'ai mérité ». C'était 2 kilomètres environ avant d'arriver à un gros village que nous nous étions arrêtés pour manger, et c'était vers ce village que notre vache galopait. Elle entra dans ce village naturellement avant nous, et comme la route était droite, nous pûmes voir, malgré la distance, que des gens lui barraient le passage et s'emparaient d'elle. Alors nous ralentîmes un peu notre course. Notre vache ne serait pas perdue. Nous n'aurions qu'à la réclamer aux braves gens qui l'avaient arrêtée, et ils nous la rendraient. À mesure que nous avancions, le nombre des gens augmentait autour de notre vache, et quand nous arrivâmes enfin près d'elle, il y avait là une vingtaine d'hommes, de femmes ou d'enfants, qui discutaient en nous regardant venir. Je m'étais imaginé que je n'avais qu'à réclamer ma vache, mais au lieu de me la donner, on nous entoura et l'on nous posa question sur question. D'où venions-nous? Où avions-nous eu cette vache? Nos réponses étaient aussi simples que faciles. Cependant, elles ne persuadèrent pas ces gens, et 2 ou 3 voix s'élevèrent pour dire que nous avions volé cette vache qui nous avait échappé, et qu'il fallait nous mettre en prison en attendant que l'affaire s'éclaircît. L'horrible frayeur que le mot de prison m'inspirait me troubla et nous perdit. Je pâlis, je balbutiai, et comme notre course avait rendu ma respiration haletante, je fus incapable de me défendre. Sur ces entrefaites, un gendarme arriva. En quelques mots, on lui conta notre affaire, et comme elle ne lui parut pas nette, il déclara qu'il allait mettre notre vache en fourrière et nous en prison. On verrait plus tard. Je voulus protester, Mathia voulut parler. Le gendarme nous imposa durement silence, et me rappelant la scène de Vitalis avec l'agent de police de Toulouse, je dis à Mathia de se taire et de suivre monsieur le gendarme. Tout le village nous fit cortège jusqu'à la mairie, où se trouvait la prison. On nous entourait, on nous pressait, on nous poussait, on nous bourrait, on nous injuriait. Et je crois bien que sans le gendarme qui nous protégeait, on nous aurait lapidés, comme si nous étions de grands coupables, des assassins ou des incendiaires. Et cependant, nous n'avions commis aucun crime. Mais les foules sont souvent ainsi. Elles ont un plaisir sauvage à se ruer sur les malheureux, sans savoir ce qu'ils ont fait, s'ils sont coupables ou innocents. En arrivant à la prison, j'eus un moment d'espérance. Le gardien de la mairie, qui était aussi geôlier et garde champêtre, ne voulut pas tout d'abord nous recevoir. Je me dis que c'était là un brave homme. Mais le gendarme insista, et le geôlier céda. Passant devant nous, il ouvrit une porte qui fermait en dehors avec une grosse serrure et 2 verrous. Je vis alors pourquoi il avait fait difficulté pour nous recevoir tout d'abord. C'était parce qu'il avait mis sa provision d'oignons séchés dans la prison, en les étalant sur le plancher. On nous fouilla, on nous prit notre argent, nos couteaux, nos allumettes. Et pendant ce temps, le geôlier amassa vivement tous ses oignons dans un coin. Alors on nous laissa, et la porte se referma sur nous avec un bruit de ferraille vraiment tragique. Nous étions en prison. Pour combien de temps? Et comme je me posais cette question, Mathia vint se mettre devant moi et baissant la tête, « Cogne, dit-il, cogne sur la tête. Tu ne frapperas jamais assez fort pour ma bêtise. » Tu as fait la bêtise, oui, mais j'ai laissé l'affaire. J'ai été aussi bête que toi. J'aimerais mieux que tu cognes, j'aurais moins de chagrin. Notre pauvre vache, la vache du prince. Et il se mit à pleurer. Alors ce fut à moi de le consoler, en lui expliquant que notre position n'était pas bien grave. Nous n'avions rien fait, et il ne nous serait pas difficile de prouver que nous avions acheté notre vache. Le bon vétérinaire du sel serait notre témoin. Et si l'on nous accuse d'avoir volé l'argent avec lequel nous avons payé notre vache, comment prouverons-nous que nous l'avons gagné? Tu vois bien que quand on est malheureux, on est coupable de tout. Mathia avait raison. Je ne savais que trop bien qu'on est dur aux malheureux. Les cris qui venaient de nous accompagner jusqu'à la prison ne le prouvaient-ils pas encore? Et puis, dit Mathia en continuant de pleurer, quand nous sortirons de cette prison, quand on nous rendrait notre vache, est-il certain que nous trouverons Mère Barberin? Et pourquoi ne la trouverions-nous pas? Mais depuis le temps que tu l'as quittée, elle a pu mourir? Je fus frappé au cœur par cette crainte. C'était vrai que Mère Barberin avait pu mourir, car bien que n'étant pas d'un âge où l'on admet facilement l'idée de la mort, je savais par expérience qu'on peut perdre ce qu'on aime. N'avais-je pas perdu Vitalis? Comment cette idée ne m'était-elle pas venue déjà? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Demandai-je. Parce que quand je suis heureux, je n'ai que des idées gaies dans ma tête stupide, tandis que quand je suis malheureux, je n'ai que des idées tristes. Et j'étais si heureux à la pensée d'offrir ta vache à ta mère Barberin que je ne voyais que le contentement de mère Barberin. Je ne voyais que le nôtre, et j'étais ébloui, comme grisé. Ta tête n'est pas plus stupide que la mienne, mon pauvre Mathia, car je n'ai pas eu d'autres idées que les tiennes. Comme toi aussi, j'ai été ébloui et grisé. Ah, la vache du prince! S'écria Mathia en pleurant. Il est beau, le prince! Puis, tout à coup, se levant brusquement et gesticulant, et si Mère Barberin était morte? Et si l'affreux Barberin était vivant? S'il nous prenait notre vache? S'il te prenait toi-même? Assurément, c'était l'influence de la prison qui nous inspirait ces tristes pensées. C'était les cris de la foule, c'était le gendarme, c'était le bruit de la serrure et des verrous quand on avait fermé la porte sur nous. Mais ce n'était pas seulement à nous que Mathia pensait, c'était aussi à notre vache. Qui va lui donner à manger? Qui va la traire? Plusieurs heures se passèrent dans ces tristes pensées, et plus le temps marchait, plus nous nous désolions. J'essayai cependant de réconforter Mathia en lui expliquant qu'on allait venir nous interroger. Eh bien, que dirons-nous? La vérité? Alors on va te remettre entre les mains de Barberin, ou bien si Mère Barberin est seule chez elle, on va l'interroger aussi pour savoir si nous ne mentons pas. Nous ne pourrons donc plus lui faire notre surprise. Enfin, notre porte s'ouvrit avec un terrible bruit de ferraille et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs dont l'air ouvert et bon nous rendit tout de suite l'espérance. « Allons, coquin, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à monsieur le juge de paix. » « c'est bien, dit le juge de paix en faisant signe au geôlier de le laisser seul. « Je me charge d'interroger celui-là. » Il me désigna du doigt. « Emmenez l'autre et gardez-le. Je l'interrogerai ensuite. » Je crus que dans ces conditions, je devais avertir Mathia de ce qu'il avait à répondre. « Comme moi, monsieur le juge de paix, dis-je, il vous racontera la vérité, toute la vérité. »« c'est bien, interrompit vivement le juge de paix, comme s'il voulait me couper la parole. » Mathia sortit, mais avant, il eut le temps de me lancer un rapide coup d'œil pour me dire qu'il m'avait compris. « On vous accuse d'avoir volé une vache, » me dit le juge de paix en me regardant dans les deux yeux. Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire du sel, et je nommai le vétérinaire qui nous avait assisté dans cet achat. « Cela sera vérifié. » « Je l'espère, car ce sera cette vérification qui prouvera notre innocence. » « Et dans quelle intention avez-vous acheté une vache ?»« Pour la conduire à Chavanon et l'offrir à la femme qui a été ma mère nourrice, en reconnaissance de ses soins, et en souvenir de mon affection pour elle. Et comment se nomme cette femme? Mère Barberin. Est-ce la femme d'un ouvrier maçon qui, il y a quelques années, a été estropié à Paris? Oui, monsieur le juge de paix. Cela aussi sera vérifié. Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l'avais fait pour le vétérinaire Ducel. Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions, et je dus répondre que s'il interrogeait Mère Barberin, le but que nous nous étions proposé se trouvait manqué. Il n'y avait plus de surprise. Cependant, au milieu de mon embarras, j'éprouvais une vive satisfaction. Puisque le juge de paix connaissait Mère Barberin et qu'il s'informerait auprès d'elle de la vérité ou de la fausseté de mon récit, cela prouvait que Mère Barberin était toujours vivante. J'en éprouvai bientôt une plus grande encore. Au milieu de ces questions, le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps. Cela me rendit si joyeux que je trouvai des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire pour prouver que nous n'avions pas volé notre vache. Et où avez-vous eu l'argent nécessaire pour acheter cette vache? C'était là la question qui avait si fort effrayé Mathia quand il avait prévu qu'elle nous serait adressée. Et nous l'avons gagnée? Où? Comment? J'expliquai comment, depuis Paris jusqu'à Vars, et depuis Vars jusqu'au Mont d'Or, nous l'avions gagnée et amassée sou à sou. Et qu'alliez-vous faire à Vars? Cette question m'obligea à un nouveau récit. Quand le juge de paix entendit que j'avais été enseveli dans la mine de la Truyère, il m'arrêta, et d'une voix tout adoucie, presque amicale, « Lequel de vous deux est Rémi ? » dit-il. « Moi, monsieur le juge de paix. »« Qui le prouve ? Tu n'as pas de papier ? » m'a dit le gendarme. « Non, monsieur le juge de paix. »« Alors, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Vars. J'en ai lu le récit dans les journaux. Si tu n'es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas. » Je t'écoute, fais donc attention. Le tutoiement du juge de paix m'avait donné du courage. Je voyais bien qu'il ne nous était pas hostile. Quand j'eus achevé mon récit, le juge de paix me regarda longuement avec des yeux doux et attendris. Je m'imaginais qu'il allait me dire qu'il nous rendait la liberté, mais il n'en fut rien. Sans m'adresser la parole, il me laissa seul. Sans doute il allait interroger Mathia pour voir si nos deux récits s'accorderaient. Je restai assez longtemps livré à mes réflexions, mais à la fin le juge de paix revint avec Mathia. « Je vais faire prendre des renseignements à Ucel, dit-il, et si, comme je l'espère, il confirme vos récits, demain on vous mettra en liberté. »« Et notre vache ? » demanda Mathia. « On vous la rendra. »« Ce n'est pas cela que je voulais dire, » répliqua Mathia. « Qui va lui donner à manger ? Qui va la traire ? » ?»« Sois tranquille, gamin. » Mathia aussi était rassuré. « Si on trait notre vache, dit-il en souriant, est-ce qu'on ne pourrait pas nous donner le lait? Ça serait bien bon pour notre souper. » Aussitôt que le juge de paix fut parti, j'annonçai à Mathia les deux grandes nouvelles qui m'avaient fait oublier que nous étions en prison. Mère Barberin vivante et Barberin à Paris. « La vache du prince fera son entrée triomphale, » dit Mathia. Et dans sa joie, il se mit à danser en chantant. Je lui pris les mains, entraîné par sa gaieté. Et Capi, qui jusqu'alors était resté dans un coin, triste et inquiet, va se placer au milieu de nous, debout sur ses deux pattes de derrière. Alors nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge, effrayé, pour ses oignons probablement, vint voir si nous ne nous révoltions pas. Il nous engagea à nous taire, mais il ne nous adressa pas la parole brutalement comme lorsqu'il était entré avec le juge de paix. Par là nous comprîmes que notre position n'était pas mauvaise, et bientôt nous eûmes la preuve que nous ne nous étions pas trompés, car il ne tarda pas à rentrer, nous apportant une grande terrine toute pleine de lait, le lait de notre vache. Mais ce n'était pas tout. Avec la terrine, il nous donna un gros pain blanc et un morceau de veau froid, qui, nous dit-il, nous était envoyé par monsieur le juge de paix. Jamais prisonnier n'avait été si bien traité. Alors, en mangeant le veau et en buvant le lait, je revins de mes idées sur les prisons. Décidément, elles valaient mieux que je ne me l'étais imaginé. Ce fut aussi le sentiment de Mathia. « Dîner et coucher sans payer, » dit-il en riant, « en voilà une chance. » Je voulus lui faire une peur. « Et si le vétérinaire était mort tout à coup, lui dis-je, qui témoignerait pour nous ?»« On a de ces idées-là que quand on est malheureux, » dit-il sans se fâcher, « et ce n'est vraiment pas le moment. »